Tout va bien. Dès que mon monde a télé mis à Wanaza déjà grand-père 6 fois. J'étais ma première fille en a 3, ma deuxième fille a 2 et ma troisième fille 1. Donc on a grand-père 6 fois. Donc j'étais né au monde.